Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous du samedi. La découverte du jour, c'est Brenda Taylor. C'est une chanteuse américaine de disco funk, originaire de New York. Son titre, You Can Have Your Cake and Eat It Too, sorti en 1982, m'a tapé dans l'œil. Hélas, je n'ai pas trouvé grand-chose sur cette dernière, mais je peux pas m'empêcher de vous diffuser ce titre. Allez ma Brenda, faut pas s'en faire. Alors voici venu le temps de notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, un morceau atypique qui, je pense, ne parlera pas à tout le monde. Moi-même, je l'ai découvert en préparant cette émission, c'est pour dire. Manu Dibango est un saxophoniste camerounais. En 1972, le Cameroun organise la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, et Manu Dibango se propose de composer l'hymne de l'équipe nationale. Elle sort sur un single qui est distribué gratuitement aux supporters. En face B, il enregistre un morceau funky, inspiré à la fois de James Brown et des rythmes du Makossa, un style moderne de musique camerounaise. Un disqueur de Brooklyn en commande une série et la diffuse auprès des DJ. Le bouche à oreille fait que le morceau est diffusé dans pas mal de nightclubs. Tout le monde parle de ce titre, mais personne ne le trouve dans les bacs. Face à la demande, de nombreuses versions sont enregistrées. Cool on the Gang est même sommé par son label d'en enregistrer une version. En mai 1973, le single original sort enfin aux USA et se classe 21e. S'ensuit une première partie des Temptations par Dibango, des concerts à guichet fermé au Madison Square Garden, une tournée en Amérique du Sud. En quelques mois, le destin de ce musicien est changé. Le disco à venir évoluera sur cette culture du rythme et des percussions. Dépaysement garanti maintenant. Nessa makosa. ni cachot. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Je vous l'avais dit que ça déménageait, que ça dépaysait. Alors on va continuer avec la bande originale du film La fièvre du samedi soir. On va écouter More Than a Woman du groupe Tavares. Oui, vous avez bien entendu Tavares et non Bee Gees. Bah moi je trouve que la version, elle sort un peu de l'ordinaire. Apparu à l'origine sur l'album Future Bound, il sera aussi intégré à la bande originale du film. Le titre sort en single en novembre 1977. Il atteindra la 32e place du hit US et la première en France. Et il est bien sûr composé par les Bee Gees. Ah, ça va vous rappeler des souvenirs. Suddenly you're in my life, a part of everything I do. You got me working day and night, just trying to keep C'est l'heure du maxi et aujourd'hui on va repartir vers le groupe Change. On a déjà écouté pas mal de titres, mais il en reste, rassurez-vous. The Very Best in You est sorti en 1982. Il est issu de l'album Showing Your Love, sorti lui aussi en 82 bien sûr. Le morceau tend plus vers le R&B, mais il reste dans la veine des précédents. Pour info, vous n'entendrez pas Luther Vandross car il était déjà parti de la formation. On va décoller pour 7 minutes de pur bonheur. So understanding, baby. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Comme le temps passe vite, c'est déjà l'heure de la pépite. Alors aujourd'hui, Oliver Tutin, vous connaissez? Ah bien sûr, Get Down, Saturday Night. Alors je me suis un peu creusé la tête pour vous déterrer un titre de Derrière les Fagots. Everybody Wants to Be the Boss est sorti en 1982 et il est issu de l'album The Boss. Le titre trouve bien sûr toute sa place ici. Alors levez les doigts, ceux qui connaissent, ben je vois pas grand monde lever la main. Alors le titre là, comme toujours, quand c'est Oliver Cheatham, je le dédie à mon ancien collègue Le Gax, heureux retraité et fidèle depuis les fidèles de Oliver Cheatham. C'est parti. bah voilà, il est temps de se quitter. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.